savez-vous quoi j'y vois? Dans mon cœur, savez-vous quoi j'y vois? Une journée porte ouverte dans une maison barrée, une récompense offerte à qui trouve la paix. Les psychiatres qui dépriment de pointer au chômage et l'amour qui s'exprime dans le dos du mariage. Les aiguilles d'une horloge qui prennent du bon temps. Roménie compte des loges, des pages rouges du Coran. Dans mon cœur, savez-vous quoi j'y vois? Dans mon cœur, savez-vous quoi j'y vois? Un sourd qui s'y entend pour jouer du banjo, la mort qui se levant a égaré sa faux. Un homme de science essaie de décrocher la lune, un bon coup de balai dans les grandes fortunes. Du sol de la planète s'effacent nos frontières. Les pollueurs font place nette avant tout pomper l'air. Dans mon cœur, savez-vous quoi j'y vois? Dans mon cœur, savez-vous quoi j'y vois? Pinochet embaumé au musée des horreurs, Le Pen réincarné en homme de couleur. Les ovnis qui s'entraînent à dépasser les bornes, de braves taureaux qui prennent Torero par les cornes. Faire du mur de Berlin une immense piste entière. Filer un coup de main aux branleurs solitaires. Mais sur terre, voyez-vous quoi j'y vois? Mais sur terre, voyez-vous quoi j'y vois? On s'arrache les fourrures de bêtes bien dans leur peau. On baptise la torture, liaison sadomaso. Les boxeurs s'entretuent en y mettant des gants. Et des gosses à la rue, on la colle dans le sang. Les bipèdes prétentieux se disent pape ou roi. Coluche nous dit adieu avant Chantal Goya.